Un nom est assuré par Séraphine Hakidimana. Nous sommes jeudi 9 août 2018. Bonjour et merci de garder l'écoute de nos programmes. Bienvenue à ce grand rendez-vous de l'édition de la mi-journée en français. Tout d'abord, le sommaire. Des dizaines d'élèves de la mairie de Bujumbura n'ont pas été autorisés par la ministre de l'Éducation, Janvier Ndilaïcha, de poursuivre la passation de l'examen d'État pour la seule et unique raison que leurs cheveux n'ont pas été coupés. Les parents de ces élèves s'insurgent contre cette décision qu'ils qualifient d'injuste et discriminatoire. Les détails, c'est tout à l'heure. Après que le coût des produits pétroliers comme l'essence et le mazout ait été revu à la hausse et des conséquences en marquent déjà, on vous fera le point de cette situation dans les provinces de Bubanza et Lumonge. Plus de 400 kg d'or et plus de 400 tonnes ont été exportées au cours du premier semestre de l'an 2018, sont les précisions du ministre Komaman Lakita. Vous entendrez ces précisions, le ministre de l'Énergie et Mines. Et pour la chronique justice d'aujourd'hui, on parlera de mandats qui peuvent être émis par le magistrat ou l'officier de police et judiciaire. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. Ouvrons ce journal par la page coopération. Le mandat du haut commissaire aux droits de l'homme prend fin d'ici la fin de ce mois d'août. Zeid Al-Hussein occupe ses fonctions depuis le 1er septembre 2014, son mercredi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté la candidature de l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, âgée de 60 ans, pour le remplacer. Pour rappel, les rapports sur la situation des droits de l'homme produits sur le Burundi par Zeid Al-Hussein ont été contestés à très maintes reprises par Bujumbura. L'ambassadeur burundais à l'ONU, Albert Nshingiro, sur son compte Twitter, demande les commissions qui produisent des rapports sur le Burundi de se référer sur la situation réelle du pays. Et je vous l'avais dit en titre, la mesure gouvernementale de revoir à la hausse le prix du litre d'essence et du mazout décidé ce mercredi a été différemment accueilli par les habitants de la ville de Lumonge. Pour certains, la mesure vient aggraver la pauvreté de la population. Pour d'autres, le gouvernement doit avoir ou trouver de l'argent nécessaire à l'accomplissement de ses projets. Suivez ce micro-trottoir de la radio Isanganiro. C'est le bon peuple qui va s'en souffrir. Hein. Si le prix du carburant est rehaussé, c'est que toute chose qui doit être déplacée pour être vendue devra aussi subir la même hausse du prix. Hein. Le ticket, les marchands devront payer beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheminer leurs marchandises sur le marché. Voilà. Et le bon peuple qui va acheter ça n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir acheter aisément ce dont ils auront besoin. Je pense que la revue à la hausse du prix du carburant serait due aux besoins en moyens financiers. On ne peut pas ignorer que le pays est frappé par des sanctions. Alors, le gouvernement aurait été obligé de revoir à la hausse au prix du carburant et cela va contribuer au paiement des salaires des fonctionnaires, à l'achat des médicaments et à la scolarisation des enfants. Nous devons donc contribuer. Espérons qu'ils pourront revoir cette mesure. N'oubliez pas que les prix des tickets de transport seront automatiquement revus à la hausse. Que l'on cherche à stabiliser ce prix, car on n'a pas de choix. On doit voyager, nous n'avons pas d'autre solution. Que l'on pense à ces pauvres et à notre niveau de vie en général. Pourquoi le prix du carburant monte toujours? Il faudrait y réfléchir. Nous ne pouvons pas nous opposer à une telle mesure prise par le gouvernement, mais aussi nous devrons réfléchir sur cette décision. Quels seraient les mobiles de cette hausse? On doit trouver les revenus à base des produits à notre disposition. Je pense que les tickets de transport ne seront pas revus à la hausse pourvu que ce produit ne manque pas. Et la décision de la hausse de prix de carburant n'a pas été bien accueillie car elle va à l'encontre de ses consommateurs. Noël Nkurunziza, porte-parole de l'Association burundaise des consommateurs à Boukoua en sigle, indique qu'il n'était pas associé lors de la prise de cette décision. Il demande au gouvernement de mettre pression sur les importateurs du carburant afin d'emprunter la voie du lac Tanganyika car, d'après les études faites, cette voie serait moins chère. Suivez Noël Nkurunziza au micro de Vestine Wutoi. L'Association mondiale des consommateurs n'a pas bien accueilli la hausse des prix du carburant. Pour cause, c'est une hausse qui intervient en si peu de temps. Avant une dernière hausse, était là. Et c'est aussi une hausse qui, d'après nous, n'a pas tenu compte des critères de transparence, surtout qu'on n'a pas la structure, on a vu seulement un communiqué, alors que la structure devait nous renseigner pour voir qui a fait quoi, qui a gagné combien et par rapport à quoi. En tout cas, la structure devait nous apprendre beaucoup plus sur les conditions qui ont entouré la révision du prix en hausse et ça n'a pas été fait. Donc, vous comprenez qu'en tant qu'une association qui défend les consommateurs, on ne pouvait pas apprécier une hausse qui a encore des conséquences sur le reste de la vie du consommateur. Cette hausse du prix carburant se présente au moment où le gouvernement dispose du stock stratégique et du fonds spécial. Spécial carburant, qu'en dites-vous? Justement, faute de cette structure, on ne peut pas déjà apprécier à sa juste valeur l'importance du stock stratégique et du fonds spécial carburant. Encore que le fonds spécial carburant, le stock stratégique ne soit pas géré de façon à rassurer le consommateur, il n'y a pas assez de transparence. Donc, pour vous dire que nous pensons qu'il devrait y avoir encore plus d'autres stratégies qui devraient être pensées, ayant vu que les deux stratégies ne répondent pas comme il faut à la satisfaction du consommateur. Normalement, votre association est représentée dans la presse de télédécision. Cette fois-ci, étiez-vous là? Oui, je vous dirais que le fonctionnement de la commission permanente sur le carburant ne nous a pas toujours été de façon favorable, surtout qu'il y avait manque de transparence. Les décisions qui étaient convenues au niveau de la commission n'étaient pas celles qui étaient décidées à la fin. Et nous avons même réagi par écrit en leur disant que si jamais il n'y avait pas assez de transparence dans ce fonctionnement, on ne ferait pas vraiment l'aller comme en figurant. Que faudrait-il faire pour maintenir le prix du carburant afin de faciliter son accès? Il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être prises en considération et je vous donne l'exemple du transport du carburant sur le lac parce que nous trouvons que presque la grande partie, sinon la totalité du carburant qui en passe par la route et je pense que c'est pas bénéfique pour le consommateur. Les études ont montré quand même que le transport sur le lac est plus bénéfique. Noël Nkurunziza qui a été joint au téléphone par Vastine Butoyio. C'est des prix de transport dans la province de Bubanza depuis hier soir jusqu'à 50%. Les passagers se lamentent et demandent au gouvernement d'intervenir comme il en a été le cas dernièrement. De leur côté, les transporteurs expliquent que ces prix de transport ont grimpé parce que les prix du carburant ont été revus à la hausse. Espèce Caritas Kawayana, correspondance. Depuis ce mercredi soir, certains transporteurs avaient déjà commencé à rehausser les prix. Ce jeudi matin, presque tous les chauffeurs des véhicules et des motos avaient rehaussé les prix de transport, certains jusqu'à 50%, comme nous l'avons constaté. Un passager qui va de Moussegni en commune Manda vers Ouvanza doit payer aujourd'hui 1 500 francs, alors qu'auparavant, le ticket était de 1 000 francs seulement pour ce trajet. De Gihanga jusqu'à Bujumbura, le ticket arrive à 2 300 francs. Il grimpe de 300 francs. De Bubanza jusqu'à Bujumbura, c'est 3 500 francs. Les passagers se lamentent de cette hausse des prix de transport et demandent à l'État d'intervenir et d'empêcher les transporteurs à rehausser les prix comme ils l'entendent, étant donné même que ces prix avaient grimpé il y a quelques mois. Certains passagers ont dû même abandonner le voyage qu'ils avaient prévu parce qu'ils s'étaient munis de tickets insuffisants. Ils ne faisaient que se lamenter au bord des routes, comme nous l'avons constaté ce matin. De leur côté, les transporteurs expliquent qu'ils ont rehaussé de transport parce que le prix du carburant a également grimpé à la pompe. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Après une courte pause, page mine au rendez-vous. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h05, 600 tonnes de terres rares, plus de 440 kg d'or et plus de 470 tonnes de coltan, castérite et wolframite sont les minerais exportés au cours de ce premier semestre de l'année en cours. Les précisions sont du ministre Bondé de l'Énergie et Mines ce mercredi lors de la présentation des réalisations durant cette période, comme Manila Kiza a en outre souligné que les devises rapatriées se chiffrent à plus de 33 millions de dollars américains. On l'écoute. Nous allons bientôt ouvrir une nouvelle mine avec la société African Mining Limited qui va pouvoir ouvrir une mine d'or à Muyinga. Donc, avec le premier semestre, on a pu adopter au niveau du Conseil des ministres le contrat d'exploitation de cette société pour l'or de Muyung. Renforcement du secteur minier, artisanal et industriel, nous avons l'évaluation de 215 sites d'exploitation des minerais et carrières, délivrance de 139 permis d'exploitation artisanale des minerais et carrières, suivi des activités des sociétés d'exploitation minière et industrielle opérant sur le territoire national. Vous le savez très bien que nous avons les sociétés comme Rainbow Mining Burundi qui s'occupe des terres rares, Tanganyika Mining Burundi qui s'occupe de l'or en province Cibitoke et Taminco et BMM. Traçabilité, certification des sites d'exploitation et des minerais. Là, nous avons mis en place des unités chargées de la mise en œuvre du mécanisme régional de certification au niveau de la CIRGL. L'inspection de 3 sites miniers. Nous avons l'étiquetage et exportation de 472 tonnes de minerais dits de 3T, 600 tonnes de minerais de terres rares exportés et 446 kilos de minerais d'or exportés. Nous avons la préparation de 1005 échantillons pour clients et nous avons le lavage et séchage de 20 échantillons de préconcentrés de 3T, analyse de 240 échantillons au niveau de la direction de la recherche géologique. Comme évaluation, nous pouvons dire que en plus des taxes qu'on reçoit en monnaie locale, nous sommes en train de suivre le rapatriement en devise d'un montant qui est attendu à vérifier justement pendant ce premier semestre, évalué à 33 773 344 $ américains. Entre autres problèmes soulevés par le ministre Manila Kidza, c'est l'insuffisance au niveau du budget et du cadre légal. Encore une fois, le ministre comme Manila Kidza. Au niveau du secteur de l'énergie, nous avons l'insuffisance de budget pour pouvoir avancer correctement au niveau de nos réalisations. Là, je fais allusion directement à la centrale hydroélectrique de Mhanda. Mais comme voie de sortie, nous avons des discussions avec le ministère en charge des finances. Et nous pensons très bien que au premier semestre de l'année budgétaire, les travaux de la centrale doivent normalement reprendre. Nous avons aussi, au niveau du cadre légal, nous remarquons justement qu'il y a aussi une insuffisance. Nous avons aussi une insuffisance de compteur cash power au niveau de la régie des eaux pour des raisons variées. Et il y a accélération dans ce sens par cette institution pour l'acquisition des compteurs cash power. Pour le secteur de l'eau potable et de l'assainissement de base, là aussi on parle de cadre légal, nous sommes en train de nous y mettre, et que ce soit au niveau du secteur de l'énergie, que ce soit au niveau du secteur de l'eau, nous avons aussi un problème au niveau des données statistiques fiables. Cap en province Gozi, le manque de moyens de déplacement et de communication des guichets uniques provinciaux sont parmi les défis au bon fonctionnement de ces derniers installés depuis 6 mois dans les 5 provinces pilotes du Burundi. Malgré ces défis, le ministre de la fonction publique et du travail parle des résultats satisfaisants vu le nombre de documents déjà livrés. Félix Mozeliniga promet des réponses aux besoins les plus urgents. C'était au cours d'un atelier d'évaluation après 6 mois d'opération de ces guichets tenu ce jeudi en Gozi. Donc Gozi, Apollinaire Monzagar. À travers les discours d'ouverture de cet atelier, il a été constaté que ces guichets uniques, dont Ngozi, Muyinga, Itega, Mwaro et Bururi, ont connu pas mal de difficultés durant les 6 mois de travail. Parmi ces difficultés, le manque de moyens de déplacement et de communication, le manque de matériel de bureau et autres, défis qui ont handicapé le bon fonctionnement de ces guichets uniques provinces. Malgré cela, le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi salue les résultats de ces guichets uniques depuis leur ouverture au mois de février de cette année, vu le document déjà livré par ces guichets pilotes provinces. À titre illustratif, plus de 3000 laissez-passer, 500 passeports et 20 permis de conduire définitifs ont été déjà livrés aux demandeurs de ces 5 guichets. Le ministre Félix Mozeliniga en a profité plutôt pour informer que d'autres nouveaux guichets paraisseront ouverts dans les provinces Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Makamba et Rutana afin de raccourcir la distance des bénéficiaires et a ajouté que tous les services concernés vont travailler en synergie pour trouver remède à ces défis. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Muzagara. Un lien doit être fait entre le leadership et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Cela est dit par Marc Vukuru, conférencier. Il l'a précisé ce mercredi lors d'un café politique organisé par l'organisation Initiative et Changement. Marc Vukuru invite les jeunes à faire l'entrepreneuriat pour diminuer le chômage qui se remarque chez les jeunes. Suivez Marc Vukuru. Il y a l'entrepreneuriat au leadership, c'est parce que ce sont des notions qui sont presque interdépendantes. L'entrepreneuriat permet aux jeunes de s'autonomiser. Et quand ils ont de l'autonomie financière, ils sont à mesure de bien diriger, de bien influencer le groupe dont ils sont leaders. Par ailleurs, s'ils ne sont pas autonomes financièrement, ils vont dans les groupes, soit associations ou partis politiques, où ils essaient d'initier le leadership, en ignorant l'aspect autonomie financière qui leur permettrait de ne pas considérer comme faisant partie de ces groupements leur seul mode de vie. C'est dans ce sens que l'entrepreneuriat éclaire le leadership, tandis que le leadership lui aussi éclaire l'entrepreneuriat. Nous devons reconnaître que les jeunes apprennent de la théorie et que dans la vie courante, c'est là où ils essaient d'être pratico-pratiques. Ils ont besoin d'accompagner, de s'auto-évaluer, envie de pouvoir faire face au chômage. Les moyens financiers ne devraient pas constituer un grand problème. Au lieu de réfléchir sur la problématique, de concevoir le projet, ils sont donc appelés à concevoir leur propre projet et chercher ces fonds pour financer les activités de leur projet après. Et l'instauration de l'union monétaire au sein de la communauté est-africaine favorisera la libre circulation des marchandises et personnes. Dans un forum de haut niveau sur l'union monétaire de la communauté est-africaine organisé ce jeudi par le ministère à la présidence chargée de la communauté est-africaine, la ministre Isabelle Ndahayo a fait savoir qu'avec cette monnaie unique, l'économie va se développer. Et les parents d'élèves qui se sont vus refuser de faire un examen d'état par le ministre de l'Éducation, Jean-Vier Ndiraïcha, à cause des cheveux, s'indignent contre cette décision qu'il qualifie d'injuste et discriminatoire à l'égard des filles au centre de passation Sepebou situé au quartier Djabé. Où ont été nos reporters, ces élèves, filles, et leurs parents étaient dans la désolation totale. Les agents de la CNIDH qui se sont rendus sur place comme nos reporters se sont vus refuser l'accès à ce centre. Radio Isanganiro, chronique justice. Dans la chronique justice de ce jeudi, nous revenons sur les sortes de mandats pouvant être émis par le magistrat ou l'officier de police judiciaire. On vous avait parlé du mandat de perquisition et de celui d'amener. Aujourd'hui, on va vous parler des mandats de perquisition, mandats d'arrêt et autres. Toujours, cette matière est prévue par le code de procédure pénale. Oban Nyongur. Les mandats sont des ordres écrits émanant d'un magistrat ou d'un officier de police judiciaire et auxquels la loi attache un effet coercitif. Un mandat de perquisition étant un de ces mandats. Maître Dieudonné Nitunga parlait aussi du mandat d'arrêt. Il y a le mandat de perquisition. C'est une pièce judiciaire signée aussi par un magistrat au cours de l'enquête préliminaire de l'instruction préjudicionnaire et qui autorise celui qui l'exécute de pouvoir pénétrer dans le domicile des particuliers contre les regrets en vue de découvrir éventuellement les traces, les indices, objets permettant d'établir la réalité de l'infraction poursuivie. C'est un acte qui permet aux forces de l'ordre, généralement les policiers, de pénétrer dans le domicile des particuliers contre les regrets en vue de découvrir éventuellement les traces d'une infraction, les indices ou objets permettant d'établir la réalité de l'infraction poursuivie et son imputabilité à la personne visée par l'instruction. Il y a aussi le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt est un titre de détention signé par un magistrat du parquet au cours de l'instruction préjudicionnaire, mais nécessairement après l'inculpation de l'autre présumé d'une infraction, lorsque celle-ci est punissable d'une peine de service pénal d'au moins une année. Après avoir arrêté la personne, l'interrogé, éventuellement subi une garde à vue, on reconduit devant le magistrat instructeur. S'il trouve que l'infraction dont il est poursuivi est punissable d'une peine de service pénal d'au moins une année, la personne en question peut être placée sous mandat d'arrêt. Il subit cette fois ce qu'on appelle la détention préventive. Il y a aussi ce qu'on appelle un mandat d'extraction. C'est-à-dire que l'individu peut être soit en détention préventive, le magistrat instructeur donne un ordre au chef de l'établissement pénitentiaire d'envoyer devant lui des détenus nommés désignés en vue de les interroger. C'est-à-dire que même s'il est en prison, les instructions continuent. Cet avocat nous parle aussi des autres mandats qui sont le mandat de prise de corps et le mandat d'élargissement. Le mandat de prise de corps, il y a plusieurs cas de personnes qui se trouvent dans la prison, par exemple. Il y a des condamnés, il y qui a été détenu, mais qui pour des raisons diverses se trouve à liberté provisoire, par exemple. Soit ils ne sont pas en prison, mais ils sont condamnés. Soit ils s'est évadé, soit ils seront condamnés. La justice n'avait pas mis la main sur eux. Dans ce cas, on peut rechercher pour que cette fois-ci, ils soient incarcérés. Il y a aussi le mandat de l'agissement. Le mandat de l'agissement est une pièce judiciaire signée par le magistrat instructeur. Lorsque l'instruction dirigeante contre un équipe détenu à liberté provisoire se sort de par un classement sans suite. Lorsque une personne était branchée, l'instruction est un mot prédictionnaire, mais l'instruction a abouti à un classement sans suite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de poursuite, pas de procédure de poursuite. C'est-à-dire que le magistrat instructeur a jugé qu'il n'y a pas eu de branche, qui décide de classer le dossier sans suite. Ou soit l'inquiétude est à liberté provisoire. La liberté provisoire est pris à la fin de l'instruction, on constate qu'il n'y a rien d'infraction, il n'y a rien de poursuite. Dans ce cas, le magistrat instructeur peut mettre un mandat de la justice. À côté de ces mandats, il y a d'autres actes de justice. L'ordonnance de mise en détention, l'ordonnance de prorogation de la détention et l'ordonnance de mise en liberté provisoire. Merci Oban Nyonghure, c'est pas ici qu'on va mettre fin à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine Gidimana pour la mise en onde. Eli Nibel Nibigira, le plaisir était le mien de vous la présenter. Excellent après-midi à tous, au revoir.